bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à ce championnat mondial de rap. Le coup d'envoi va être donné d'ici quelques secondes. En effet, Gilles. Tout le monde est en piste. Oh, mais je vois un dernier prétendant qui arrive. En effet, Gilles. Il s'agit de Loki, du groupe Carnassier. En effet, Gilles. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Gentlemen, à vos mics, prêt? Rapper. Quand j'étais jeune pis apeuré, je me faisais voler ma tue. Dans la capitale seul ignoré, choisi le dernier en étude. J'aurais été quitte pour dévoler, mais j'avais vite poigné le truc. Qui évite quand t'es volé, te faire cogner, pis décorer au-dessus de la tête au-dessus. Si je fais pas monde, il me restait seulement qu'à japper. Des sous de plus en plus gros, mais couvrir des épées. Pour qu'on m'accorde le respect, j'ai tellement rappé que j'avais la bouche remplie de corps à ouvrir mon clapet. 600 plus tard, c'est dur à croire qu'à force d'effort et pratique dans le soir. Dans mon mic, c'est en plastique. De voir que j'suis devenu le boss de la kick. De me savoir parvenu à coup de métaphore drastique. À trop de shit up, c'est hardcore classique. On chuchote encore mais on me laisse ma place. Kitch place, bitch mastique. Ceux qui m'astinent c'est comme un son en élastique. Accroché à ta pile. J'ai gagné les teams puis ma tech a t'approché pour ma team. Sur le ring j'ai payé mes 12 kings. Des coups en bas de la ceinture. Ils veulent tout mettre dans mes shoes. Mais y'a pas beaucoup de gothic dans ma pointure. La peur fait grimper dans les teintures. Les rappeurs qui veulent pas jouer des pointures. Ils faire la job de promiscu est sûr. Si je préfère des gens se faire des teintures. Le rap ce sport me dit que le sport de condamne. A chaque départ je pète un équilibre sur des sondages. Le rap ce sport de quelque sport de contact. J'pète les scores d'équipe décordée. Il faut qu'on faille. Le rap ce sport de quelque sport de contact. A chaque départ j'pète un équilibre sur des sondages. Le rap ce sport de quelque sport de contact. J'pète les scores d'équipe décordée. Il faut qu'on faille. Le sport de kick faut encaisser ça, abaisser son score. L'équipe se récorde. Les rimes sans cesser d'ingresser pour peser, biffer ses forts pour sa firme. J'sais c'est l'effort qui affine. Mais sans de l'espoir que seul le sort nous affirme. Fort de ce quand j'sors le soir j'assassine. Que la marche commandité par des pins cloutines. C'est mon as qui fascine. T'es également invité à ma chaîne en tartine. Pour t'en goûter. Par le son des platines envoûtées. Également soudé, entassé comme des sardines. La faute j'ai seulement un coup d'espace et de salerine. Mais tu peux douter que c'est pas passé en sourdine. Mais shooté à full pin. Admire ma routine. L'emprise que j'ai sur mon empire comme Vladimir Poutine. Tu cabotines, je vais te faire sentir ma voix dans ton arrière-train. Même si t'es pas une créatine, j'fascine. Plus vite que toi à ta carrière, j'mets fin. En flou incendiaire, enfin. C'est impliqué, c'est l'épique, un coup des flambeaux olympiques, colère éteint. Le rap, ce sport de kick, sport de contact. A chaque départ, j'pète en équilibre sur des sondages. Le rap, ce sport de kick, sport de contact. J'pète les scores d'équipe, les coordonnées, qu'il faut qu'on fasse. Le rap, ce sport de kick, sport de contact. A chaque départ, j'pète en équilibre sur des sondages. Le rap, ce sport de kick, sport de contact. J'pète les scores d'équipe, les coordonnées, qu'il faut qu'on fasse. J'compte quand ça compte, j'frappe en 9ème. Le rap, ce sport de kick, sport de contact.